Bonsoir, soyez les bienvenus dans cet épisode numéro 2 d'Esprit Libre, toujours au service de la musique, toujours au service de s'oublier un moment pour vivre une forme de quiétude inégalable. Rentrer en symbiose avec un monde parfait où chaque note émise est un battement de cœur. Comme vous le savez, je débute et j'espère que vous pardonnerez mes hésitations ici et là. Pour démarrer ce nouveau voyage d'une heure environ, laissez-moi vous faire découvrir ou réécouter un groupe très Led Zeppelinien avec le titre Highway Tune, et ce groupe s'appelle Greta Van Fleet. Ensuite, nous irons dans le monde de l'électronique avec le groupe The Chemical Brothers et leur morceau Wide Open. Mais pour débuter, j'ai décidé de partager un morceau des Killers. L'extrait s'intitule Caution. Merci d'être là, vous écoutez Esprit Libre. I'm throwing caution. J'espère que la sélection vous convient et pour continuer dans la même direction, profitons d'un live de Dr. Feelgood. Le morceau s'intitule She Does It Right et il extrait de l'album live Oil City Confidential. Dans la lancée, je vous ai prévu un classique de chez classique, Les Who, avec Baba O'Reilly. Mais pour entamer cette deuxième partie, faisons-nous plaisir avec les cultes et le mot titre She Sells Sanctuary. Ici, la musique est bonne, vous êtes sur l'Esprit Libre. We'll be right back. Cette dernière partie, j'ai décidé de vous faire voyager avec Naxatras et le morceau I Am The Beholder. Et ensuite, du côté de l'Australie avec AC/DC et le morceau Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Mais pour continuer, tout de suite, Stone Jesus, I'm The Mountain. Merci à vous de me suivre, vous êtes sur l'Esprit Libre. mountain rising high. It's the way that I survive. I'm the mountain, tell my tale. The greatest star is now for sale. I'm the seaside, I'm the waves, I'm the one that makes you crave. I'm the valley, I'm the hills. Look at me, I'm standing still. titties and the thunder cheap. Concrete shoes. Nous arrivons à la fin de cet Esprit Libre numéro 2. J'espère que ma sélection vous a plu. Il est évident que je ne vais pas vous quitter comme ça sans vous souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit et surtout avec un dernier titre. Celui-ci est d'Aerosmith et c'est Dream On. Que la musique soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Say.